Ceci est une lecture de Christophe Bouillet pour audiocité.net. Cet enregistrement est placé sous licence Creative Commons by NCSA 3.0 FR. Le jour venu. Poème en vers libre du Chevalier à la Rose. Un jour, lorsque tu seras prêt, enfin se terminera ma quête, et ce jour-là, quand on se retrouvera, tu pourras te reposer dans mes bras. Sur tes lèvres, un sourire paisible sera de notre lien le signe tangible. Un soupir, marque de ton bien-être, au monde nous offrira de renaître. Ainsi, tout comme autrefois, blotti contre moi, tu t'abandonneras, et nous serons proches l'un de l'autre, comme nous ne l'avons été de nul autre. Après tant de mutuelles souffrances, adviendra enfin notre délivrance. L'amour reprendra ses droits, et rien, jamais plus, ne nous éloignera.